Chapitre 295, l'interdiction de se raser une partie seulement de la tête, raser, et l'autorisation pour les hommes uniquement de la raser entièrement. 1638. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a interdit de se raser une partie seulement de la tête, raser, al-Bukhari et Muslim. 1639. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, vit un garçon dont on avait rasé une partie seulement de la tête. Il l'interdit en disant « Rasez-la en totalité ou laissez-la en totalité ». Abu Daoud, avec une chaîne de narrateurs authentiques selon les critères d'Al-Bukhari et Muslim. 1640. D'après Abdullah ibn Ja'far, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, laissa 3 jours à la famille de son cousin Ja'far après son martyre, puis se rendit chez eux en leur disant « Ne pleurez plus mon frère à partir d'aujourd'hui », avant d'ajouter « Faites venir tous ses fils ». Abdullah ibn Ja'far poursuivit « Une fois rassemblés devant lui, pareil à des oisillons, il demanda que l'on fasse venir un coiffeur à qui il ordonna de nous raser la tête. » Abu Daoud, avec une chaîne authentique selon les critères d'Al-Bukhari et Muslim. 1641. Selon Ali, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux femmes de se raser la tête. An-Nasa'i. Hadith jugé faible par Sheikh Al-Albani. Rahimahullah.